إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, nous allons voir aujourd'hui, inshallah ta'ala, l'explication des deux dernières sourates du Coran, sourate al-Falaq et sourate al-Nas. On a vu hier, lors de l'explication de sourate al-Ikhlas, que ces sourates font partie des sourates protectrices, dont la récitation est légiférée à différents moments de la journée, comme lors des invocations du matin et du soir, avant de dormir et après les prières obligatoires. De même, il est recommandé de lire ces deux sourates en prière. En effet, l'imam Ahmed et Abu Daoud, rahimahumallahu ta'ala, rapportent à ce sujet que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Uqba ibn Amir, radiyallahu ta'ala anhu, « Lis dans ta prière les deux protectrices, c'est-à-dire surat al-Falaq et surat al-Nas. » Puis il dit sallallahu alayhi wa sallam, « Car il n'y a pas de meilleure protection que ces deux sourates pour celui qui cherche à être protégé. » Et ce hadith a été authentifié par l'imam al-Albani, rahimahullahu ta'ala. Commençons donc par l'explication de surat al-Falaq. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, « قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ » dit, « Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante. » Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous le savez, il est le Seigneur de toutes choses. C'est le Seigneur de l'univers. Mais il a ici spécifié le lever de l'aube, car c'est un de ses bienfaits, subhanahu wa ta'ala. En effet, c'est Allah seul, subhanahu wa ta'ala, qui fait s'alterner le jour et la nuit. Il nous dit dans un autre verset, nous rappelant ce bienfait, « قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ » Dis, que diriez-vous si Allah vous assignait la nuit en permanence jusqu'au jour de la résurrection? Quelle divinité autre qu'Allah pourrait vous apporter une lumière? Puis il dit dans le verset suivant, subhanahu wa ta'ala, « قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ » Dis, que diriez-vous si Allah vous assignait le jour en permanence jusqu'au jour de la résurrection? Quelle divinité autre qu'Allah pourrait vous apporter une nuit durant laquelle vous vous reposeriez? Donc la nuit et le jour, elles font partie des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que de ses bienfaits pour lesquels le serviteur se doit d'être reconnaissant. Il dit ensuite subhanahu wa ta'ala, « Min sharri ma khalaq » contre le mal de ce qu'il a créé, c'est-à-dire contre le mal de l'ensemble des créatures, parmi les démons, les djinns, les hommes, et autres parmi les créatures. Et ceci englobe même la recherche de protection contre le mal de ta propre personne. Car comme vous le savez, l'âme est incitatrice au mal. Donc lorsque tu cherches refuge contre le mal des créatures, la première créature concernée, c'est ta propre personne. C'est d'ailleurs pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait en introduction de ses sermons, « وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا » Et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal de nos âmes, le mal de nos propres personnes. Donc tu cherches refuge contre le mal de l'ensemble des créatures et contre tout mal pouvant te toucher, que ce soit dans tes affaires mondaines ou alors dans ta religion. Il dit ensuite, subhanahu wa ta'ala, « وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبْ » et contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit, c'est-à-dire lorsque la nuit devient obscure et s'assombrit, car nombre de choses nuisibles apparaissent à ce moment. En effet, un certain nombre d'animaux, de bêtes ou d'insectes nuisibles ne sortent que dans l'obscurité de la nuit, et ils peuvent porter préjudice à l'homme. Et même les gens mauvais sortent généralement la nuit pour commettre leurs crimes ou leurs délits. Tu cherches donc refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal de tout ce qui sort la nuit, comme les malfaiteurs ou les voleurs, mais aussi les démons et les animaux ou les insectes nuisibles. Il dit ensuite, subhanahu wa ta'ala, « وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ » contre le mal de celles qui soufflent sur les nœuds. Celles qui soufflent sur les nœuds, ce sont les sorcières. Celles qui ensorcellent les gens au moyen de nœuds sur lesquels elle souffle en prononçant des incantations et en demandant pour cela l'aide des démons. Et la sorcellerie est une réalité qui a de nombreux méfaits. Cela peut être des méfaits sur la santé, sur le corps de la personne ensorcelée, mais aussi des méfaits sur sa raison ou son cœur, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Et la sorcellerie, elle est aussi pratiquée par certains hommes. Mais les sorcières ont particulièrement été mentionnées ici, car c'est en général les femmes qui ont recours à ce type de sorcellerie en soufflant sur des nœuds. Et comme on l'a déjà mentionné dans d'autres cours, le sorcier et la sorcière sont mécréants. Car la sorcellerie fait partie de ce qui annule l'islam. D'autant plus qu'en règle générale, il n'est pas possible au sorcier d'atteindre son objectif et il ne peut pas obtenir l'aide des démons si ce n'est en commettant d'autres actes de mécréance, à l'exemple du fait de souiller le mushaf, ou alors de faire des sacrifices pour les démons, et autres choses semblables parmi les formes de mécréance majeure, wal'iyadu billah. Quoi qu'il en soit, le musulman doit avoir la ferme conviction que les sorciers et les sorcières ne peuvent lui causer du tort que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. Tu cherches donc refuge et protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal des sorciers et des sorcières lorsqu'elles soufflent sur les nœuds. Ensuite il dit subhanahu wa ta'ala وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ. Et contre le mal de l'envieux quand il envie. Al-hasad, qui est traduit ici par l'envie, c'est une maladie très grave qui consiste à souhaiter la disparition ou la perte du bienfait d'Allah pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala l'a accordé parmi ses créatures. Donc l'envieux, il désire que celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblé d'un bienfait le perde. S'il voit qu'un de ses frères, par exemple, a une belle voiture, il souhaite qu'il perde cette voiture. S'il voit que son frère a beaucoup d'argent, qu'il a un travail avec un bon salaire, il souhaite qu'il perde ce travail et qu'il perde cet argent. S'il voit que son frère avance dans l'apprentissage de la science, qu'il avance dans la mémorisation du Coran et ainsi de suite, et qu'il a atteint un certain niveau dans la science, il souhaite qu'il perde cette science et qu'il n'avance pas sur cette voie-là. Et ainsi de suite, aussi bien concernant les choses mondaines que concernant les choses religieuses. Et l'envie ou la jalousie, elle peut donc pousser cet envieux à causer du tort à son frère afin qu'il perde ses bienfaits. Et cela peut aussi le pousser à d'autres péchés, comme le fait de dénigrer son frère, de calomnier à son sujet, afin de tenter de nuire à son image, en disant du mal de lui, en inventant des mensonges sur lui, et ce, afin de le rabaisser et que les gens le délaissent. Et ainsi de suite, parmi les différents péchés qui peuvent être entraînés par cette envie, par ce hasad, chez l'envieux. On voit donc qu'il y a un grand mal en cela. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de purifier nos cœurs de cette maladie qui est un grave péché, car en réalité, c'est une forme d'objection au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'envieux, c'est comme s'il n'acceptait pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. C'est comme s'il n'acceptait pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait accordé des richesses à telle personne. C'est comme s'il n'acceptait pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait favorisé telle personne en lui accordant la science et ainsi de suite. Donc en réalité, il fait objection au décret d'Allah. C'est donc un très grave péché duquel le musulman doit s'écarter et doit faire des efforts pour en purifier son cœur. Et entre dans la généralité du hasad, dans la généralité de l'envie, le mauvais œil. Celui qui porte l'œil, il va nuire à celui qui l'envie simplement par son regard. Il se peut alors que la personne victime de ce mauvais œil tombe malade, ou alors si c'est sa voiture qui est atteinte par le mauvais œil, que sa voiture se casse, qu'il ait un accident. Et ceci peut même aller jusqu'à la mort, wal'iyadu billah. Et le mauvais œil est une réalité. Les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala, rapportent d'après Aïcha radiallahu ta'ala anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, cherchez refuge auprès d'Allah, car le mauvais œil est une réalité. Cherchez refuge auprès d'Allah. Donc le musulman, il doit sans cesse chercher refuge auprès de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, afin qu'il le préserve de ses maux, que ce soit la sorcellerie, l'envie ou le mauvais œil. Et le musulman, il doit prendre garde à cela. Faire attention de ne pas atteindre ses frères et sœurs par son œil. Si tu vois chez ton frère une chose qui te plaît, alors invoque Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il accorde à ton frère la bénédiction dans cette chose, en disant par exemple « Allahumma barik lahu »« Oh Allah, bénis pour lui cette voiture »« Oh Allah, bénis pour lui sa santé » Allah bénit pour lui ses vêtements, sa maison, et ainsi de suite. Tu invoques pour lui la bénédiction. afin de le préserver du mal de ton œil. Et en parallèle, tu dois prendre garde à ne pas souhaiter qu'il perde ce bienfait. Car comme on a dit, ceci est un grave péché. Cela s'oppose à la perfection de la foi et cela s'oppose également au droit de la fraternité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a d'ailleurs interdit de nous envier les uns les autres et il nous a ordonné de nous comporter comme des frères, comme cela est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala, d'après Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Donc le musulman, il ne doit pas envier ses frères, mais il doit toujours souhaiter le bien pour eux, souhaiter pour eux la bénédiction dans leur bien, la bénédiction dans leur santé, la bénédiction dans ce qu'ils possèdent, la bénédiction dans leur science, dans leur savoir, et ainsi de suite. Et de la même manière, j'attire votre attention sur un point important. C'est le fait qu'il convient aux musulmans d'avoir une bonne opinion de ses frères et sœurs. Tu ne dois pas penser que tout mal qui t'arrive, cela provient forcément du mauvais œil. Car il y a des gens, dès qu'ils ont un problème dans leur vie, dès qu'ils ont un accident, dès qu'ils perdent un objet, ou qu'ils le cassent ou l'abîment, dès qu'ils sont touchés par le moindre malheur, ils pensent tout de suite qu'ils ont été enviés. Alors, ils se mettent à penser du mal de leur entourage. Et ceci est une erreur. Car quoi qu'il en soit, que ce malheur qui t'a atteint soit en raison du mauvais œil ou non, tu n'as été touché par celui-ci qu'en raison de tes péchés. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis, les péchés que vous avez commis. Et il pardonne beaucoup. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne beaucoup de nos péchés. Il ne nous châtie pas pour l'ensemble de nos péchés, mais seulement pour une partie, et ceux-ci sont la raison des malheurs qui nous atteignent ici-bas. Donc lorsque tu es touché par un malheur, au lieu de soupçonner ton entourage et d'avoir une mauvaise opinion de tes frères, une mauvaise opinion de tes sœurs, commence tout d'abord par te remettre en question. Fais un bilan avec toi-même, car il n'y a pas de doute que tes péchés sont nombreux. Et que ces péchés, ils sont la cause des malheurs qui te touchent. Que ce soit en raison du mauvais œil, ou que ce soit en raison d'une autre chose. Tu dois donc revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, te repentir, et implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour tes péchés. Quant à l'envieux, si tu médites sur sa situation en réalité, tu verras qu'il ne se cause du tort qu'à lui-même. Car il est sans cesse tourmenté par le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde de ses bienfaits à un tel ou un tel parmi ses frères et sœurs. Comme on a dit, il fait objection au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'il n'a pas de pouvoir de contrôle sur cela. Allah subhanahu wa ta'ala accorde de ses bienfaits à qui il veut parmi ses créatures. Mais celui-ci, au lieu de se réjouir des bienfaits qu'Allah accorde à son frère, cela l'attriste et le rend malheureux, et ce à cause de la maladie de son cœur. Donc celui qui est éprouvé par cette maladie, il lui incombe d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il en purifie son cœur. Tu dois faire des efforts pour toujours souhaiter le bien à tes frères et sœurs, ne pas leur souhaiter le mal. Et si tu vois chez ton frère ou ta sœur une chose qui te plaît, alors comme on a dit, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder sa bénédiction à cette chose. Et il faut savoir qu'il n'y a pas de mal à ce que tu désires obtenir la même chose que ton frère ou la même chose que ta sœur. Mais ce qui est blâmable, c'est que tu souhaites qu'il soit privé de ce bienfait. On voit donc dans cette sourate qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné le mal de trois choses. Trois choses qui sont toutes subtiles. On a dit le mal de ce qui sort la nuit, qui est donc à l'abri des regards des gens. Le mal de la sorcellerie, qui a également lieu secrètement. Et le mal de l'envieux lorsqu'il en vit, qui lui aussi est quelque chose de subtil. Tout en sachant que le mauvais œil, il peut même atteindre une personne que tu aimes et à qui tu ne souhaites pas de mal. Mais simplement le fait d'être émerveillé par une chose qui te plaît chez ton frère ou ta sœur, ou même chez tes enfants, en s'abstenant d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il leur accorde la bénédiction, ceci peut être une cause de mauvais œil. Donc on voit que ceci est une chose très subtile. Et ces trois mots, contre lesquels tu cherches refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils se rangent donc sur ce point-là, qui sont le fait qu'ils sont difficilement perceptibles. Et ils entrent tous dans la généralité de sa parole, « min sharri ma khalaq », contre le mal de ce qu'il a créé. Et une question se pose ici, comment se prémunir contre ces mots? Nombre de personnes cherchent à savoir comment se préserver contre le mal des sorciers, comment se préserver contre le mal du mauvais œil, et ainsi de suite. La réponse est qu'il t'est possible de te prémunir contre ces maux, comme on a dit, tout d'abord, en cherchant refuge auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et pour ce faire, tu dois lier ton cœur à ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala, t'en remettre à lui dans toutes tes affaires, et placer entièrement ta confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala, en faisant les causes pour te préserver. Et parmi les causes les plus importantes, il y a le fait d'être assidu dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, en s'écartant des péchés et des mauvaises actions, mais aussi d'être assidu dans les formules de rappel qui sont légiférées en différents moments de la journée, comme les invocations du matin et du soir, en entrant ou en sortant de chez toi, avant de dormir, et ainsi de suite. Toutes ces formules de rappel, elles sont pour toi une protection contre l'ensemble de ces maux, que ce soit le mal de la sorcellerie, le mal du mauvais œil, le mal de l'envie ou autre chose semblable. Malheureusement aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes victimes de la sorcellerie ou victimes du mauvais œil. Et si tu les interroges, afin de savoir s'ils font les causes pour se préserver, tu le verras qu'ils sont pour la plupart dans l'insouciance. Ils ne sont pas assidus au rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils ont un manque de confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il se peut même qu'ils soient négligents dans leurs adorations. Pourtant, nombre d'entre nous avons connaissance des bienfaits du rappel d'Allah. Nous avons connaissance des mérites du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ceci est une des plus grandes causes pour être protégé. Mais malgré tout, nombre de personnes restent dans l'insouciance. Il se peut même que certains y soient assidus par leur langue, mais leurs cœurs sont distraits. Ils ne sont pas concentrés lorsqu'ils font le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'autres, pire encore, s'en détournent complètement, puis ensuite, ils se plaignent d'être atteints par ceci et cela, et ils vont ensuite chercher à remédier à leurs problèmes. Et comme le dit l'expression, mieux vaut prévenir que guérir. Et ceci est une réalité. Il est meilleur pour toi, avant d'être touché par un mal, de chercher à t'en préserver. Et pour t'en préserver, en ce qui concerne ces maux, tu te dois d'être assidu dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, assidu dans l'adoration d'Allah, assidu dans tes prières, assidu dans l'ensemble de tes obligations. Et également, tu dois te préserver en t'écartant des péchés et des mauvaises actions. Et ceci est meilleur pour toi que d'attendre d'être touché par un de ces maux, puis ensuite, chercher un moyen d'y remédier, chercher quelqu'un pour faire le prière, ainsi de suite. Donc le musulman, il doit faire des efforts pour lier son cœur à Allah subhanahu wa ta'ala. Ne pas être dans l'insouciance, mais faire en sorte d'être sans cesse dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala par la langue, ou le rappel par les œuvres, comme la prière ou autre adoration, qui font partie du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas de doute, comme on a dit, que ceci fait partie des meilleurs moyens pour te prémunir contre ces maux. Que ce soit le mal de la sorcellerie, le mal de l'envie, le mal du mauvais œil, et ainsi de suite. Et si les gens étaient assidus dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, wallah, ils seraient alors préservés de beaucoup de méfaits. Mais malheureusement, la négligence vient souvent de notre part, wallahu al-musta'an. On a donc terminé l'explication de Sourate al-Falaq, et on va voir maintenant, inshallah ta'ala, l'explication de Sourate an-Nas. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans celle-ci, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ dit, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Le Seigneur, c'est le maître, le possesseur, le créateur, celui qui administre tout dans cet univers. Allah subhanahu wa ta'ala est donc le Seigneur des hommes. C'est lui qui nous a éduqués par ses bienfaits, c'est lui qui nous accorde nourriture et boisson, c'est lui qui nous accorde tout ce dont nous avons besoin parmi les bienfaits de ce bas monde. Et c'est également lui qui nous a guidés par l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la révélation du Coran, ce noble livre qui est un guide pour l'humanité. Allah subhanahu wa ta'ala est donc le seigneur de l'ensemble des hommes. Qu'ils soient croyants ou mécréants, tous sont sous la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ensuite, Malikin Nas, le souverain des hommes. El Malik fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas d'autre souverain en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car nul ne s'associe à lui dans sa royauté et sa souveraineté. Toutes les créatures, sans exception, font partie de son royaume. Et toutes les créatures sont des serviteurs soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils le veuillent ou non. Et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se soumettent à Allah subhanahu wa ta'ala d'une soumission religieuse, en suivant ses ordres et en délaissant ses interdits. Et certains pourraient dire, comment dites-vous qu'Allah est le seul souverain alors qu'il y a des rois sur terre? La réponse est très simple. Les rois de ce bas monde, leur souveraineté est une souveraineté restreinte. Et cette souveraineté qu'ils ont ici-bas, c'est un don qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ Dis, ô Allah, maître de la souveraineté absolue. Tu donnes la souveraineté à qui tu veux et tu la retires à qui tu veux. Donc leur souveraineté, elle n'est pas semblable à la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans l'au-delà, ils n'auront plus aucune souveraineté, car la souveraineté tout entière n'appartiendra qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il a dit subhanahu wa ta'ala, يَوْمَهُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٍ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. Le jour où ils comparaîtront sans que rien en eux ne soit caché à Allah. À qui appartient la royauté aujourd'hui? À Allah, l'unique, le dominateur. Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, Ilahin Nas, Dieu des hommes. Le Dieu est celui qu'on adore. Et ce qu'on adore est de deux sortes. Il y a le vrai Dieu, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, le seul digne d'être adoré. Et il y a les faux dieux, qui sont tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme les divinités des polythéistes, parmi les pierres et les arbres, les morts ou les tombes, et ainsi de suite. Et comme on l'a mentionné à plusieurs reprises dans différents cours, seul Allah subhanahu wa ta'ala est en droit d'être adoré. Et ceci est la base fondamentale de notre religion. Et quiconque voue une adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait alors partie des polythéistes mécréants. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver et de raffermir nos cœurs sur sa religion. Donc tu cherches refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur des hommes, souverain des hommes, Dieu des hommes, contre quoi? Min sharril waswasil khannas, contre le mal du mauvais conseiller furtif. Et qui est ce mauvais conseiller furtif? La réponse est que c'est le diable. En effet, lorsque l'homme est dans la distraction, ou lorsque l'homme est dans l'insouciance, qu'il n'est pas dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, le diable vient à lui et se rapproche de lui avec ses waswas, lui fait des suggestions. Et dès que l'homme se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, le diable se retire furtivement. Il recule et disparaît. Comme il est rapporté au sujet de l'appel à la prière. Il est rapporté que le diable se sauve, puis il revient après l'appel à la prière. Il y a ensuite l'iqama, le petit appel à la prière. Il se sauve à nouveau et se retire. Puis il revient ensuite durant la prière, pourquoi? Pour tenter de perturber l'homme dans sa prière. Il va par exemple te rappeler certaines choses qui te préoccupent. Il va te rappeler tes problèmes. Il va te rappeler des choses desquelles tu te soucies. Et ainsi de suite, jusqu'à te faire oublier où tu en es dans ta prière. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu prononces? Donc lorsque cela survient, tu dois chercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas prêter attention à ses suggestions, ne pas t'y adonner. On voit donc à travers cela que plus l'homme est dans l'insouciance, plus il sera sujet aux suggestions du diable. Et plus l'homme est assidu au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus il sera préservé de ses suggestions. Car lorsque tu te rappelles d'Allah subhanahu wa ta'ala, le diable se retire et s'enfuit. Et il vient furtivement lors des moments d'insouciance. Et ceci nous montre une fois de plus l'importance d'être assidu au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et de prononcer ces formules d'un cœur présent, en étant concentré et conscient de ces paroles que tu es en train de prononcer. Il dit ensuite subhanahu wa ta'ala, Alladhi waswisu fi sudurin nas, qui souffle le mal dans les poitrines des hommes. C'est-à-dire que le diable, il lance ses suggestions dans les cœurs des hommes. Et celui qui est atteint par ses suggestions, comme on a dit, lui incombe de chercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car ceci fera fuir le diable. Et tu seras ainsi préservé de ses suggestions, incha'Allah ta'ala. Mais si tu t'y adonnes, que tu prêtes attention à ses suggestions, que tu les suis, que tu t'y soumets, alors le diable ne va pas te lâcher. Il va continuer avec ses suggestions jusqu'à te rendre les adorations difficiles. C'est pour cela que les musulmans doivent faire des efforts pour se détourner des suggestions du diable. Ne pas y prêter attention, chercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et s'en détourner. Tu fais comme si ces pensées n'étaient pas présentes. Et ainsi tu seras préservé, incha'Allah ta'ala. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala attire notre attention sur un point très important. Et il dit subhanahu wa ta'ala, min al-jinnati wa nas, qu'il fasse partie des djinns ou des hommes, c'est-à-dire ce mauvais conseiller. Ces mauvaises suggestions, elles peuvent provenir des démons parmi les djinns, mais elles peuvent aussi provenir des démons parmi les hommes. Et comme sont nombreux les mauvais conseillers parmi les hommes. Ceux qui incitent au mal et à la perversion, ceux qui incitent au péché et à la débauche, ceux qui incitent aux mauvaises actions et aux transgressions. Donc le musulman, il doit aussi prêter attention à cela, prendre garde aux mauvais conseillers parmi les hommes. Et de la même manière que les mauvais conseillers parmi les djinns, les mauvais conseillers parmi les hommes, eux aussi ils reculent et s'éloignent au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Car leurs âmes mauvaises sont habituées au péché. Ils sont donc gênés par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que tu verras ces gens, généralement, peu présents dans les mosquées, peu présents dans les assises de science, et ainsi de suite. Et même s'ils sont présents, Tu verras qu'ils ne se sentent pas bien et tu les verras vite s'en écarter. Ils n'arrivent pas à rester à la mosquée, n'arrivent pas à rester dans une assise de science. Et s'il entre à la mosquée pour prier, alors tu le verras sortir rapidement une fois la prière terminée. Car il ne prend pas de plaisir à y rester pour se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il souhaite retourner rapidement à ses distractions et replonger dans son insouciance et ses péchés, wal'iyadu billah. Donc le musulman, il doit prendre garde à cela et bien choisir ses fréquentations. Tu dois prendre pour amis des gens avec qui tu t'entraides dans le bien, des gens avec qui tu t'entraides dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des gens qui te poussent vers le haut, des gens qui t'encouragent dans le bien, des gens qui t'encouragent à accomplir des bonnes œuvres. C'est cela que tu dois prendre pour ami. Et non pas des mauvais conseillers qui sont plongés dans l'insouciance et qui essayent de t'entraîner avec eux dans leurs péchés. Même si ce sont des gens qui à la base étaient proches de toi. Si tu vois qu'ils te poussent vers le péché, qu'ils te poussent vers le bas, qu'ils te mènent à commettre des mauvaises actions, alors écarte-toi d'eux. Et rappelle-toi de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: l'homme est sur la religion de son ami proche. Que chacun d'entre vous regarde qui il prend pour ami. Musulman, il doit donc faire une sélection dans ses fréquentations et chercher à ne fréquenter que des gens de bien qui le poussent dans le bien et dans les œuvres pieuses et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'écarter des mauvais conseillers, tous ces gens qui vont essayer de te détourner de l'adoration. Lorsque tu veux aller à la mosquée, il te dit: viens, on a encore le temps. Et après, à cause de lui, tu vas être en retard à la mosquée ou tu vas louper la prière. Lorsque tu souhaites assister à un cours, il te dit: non, mais regarde, on va aller faire cela. On ira plus tard, on écoutera un autre moment et ainsi de suite. Cela sont des mauvais conseillers. Il se peut même qu'ils t'incitent à commettre certains péchés, qu'ils t'enjolivent le mal. Donc le musulman, il doit prendre garde et bien choisir ses fréquentations. On voit donc dans cette sourate l'importance pour le musulman de prendre garde aux mauvais conseillers parmi les djinns et les hommes. Et tu dois notamment prendre garde aux suggestions du diable qui tentent de détourner l'homme de la voie de la droiture par tous les moyens. Et parmi ces moyens, il y a ces suggestions qu'il souffle dans les cœurs des hommes. Donc si tu es touché par ces suggestions, tu dois les abandonner, ne pas en tenir compte, faire comme si rien ne t'était parvenu. Et tu dois savoir que ces suggestions sont inévitables. Donc l'objectif, ce n'est pas de te débarrasser de ne plus être touché par ces suggestions, mais l'objectif est que tu adoptes le bon comportement vis-à-vis de ces suggestions. Car même les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ont été touchés par celles-ci. Mais ce qui fait la différence entre les gens à ce sujet, c'est quoi? C'est la manière de se comporter face à ces suggestions. Si lorsque ces suggestions te viennent, ces mauvaises pensées que le diable te suggère, par exemple, au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala, au sujet de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, au sujet de la religion, si lorsque ces suggestions te viennent, tu les réprouves, tu les détestes, et tu n'en parles pas, mais tu les délaisses et les abandonnes, alors ceci est un signe de la foi. Car, comme il est venu dans le hadith, le diable ne s'attaque pas à un cœur en ruine. Donc s'il vient à toi avec ses suggestions, ceci est un signe de la foi, à condition que tu les réprouves et que tu les rejettes. Mais si tu en parles, que tu suis ces suggestions, que tu leur donnes du crédit et de l'importance, alors il n'y a pas de doute que celles-ci te causeront du tort. À l'exemple de ceux qui suivent les suggestions du diable concernant leurs adorations, concernant les ablutions, concernant leurs intentions, concernant la prière et ainsi de suite. Il y a beaucoup de personnes qui sont touchées par les suggestions du diable concernant la purification. Il est sans cesse incertain concernant le fait d'avoir ou non ces ablutions. Pourquoi? Car il donne de l'importance aux suggestions du diable. Le diable vient à lui et lui dit: tu as perdu tes ablutions. Il sort de la prière, sans aucune certitude. Il retourne, il fait ses ablutions, il termine, le diable lui suggère autre chose. Tu as oublié de laver un membre. Il retourne faire ses ablutions une deuxième fois. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il lui rende les adorations compliquées. Donc le musulman, il doit prendre conscience que ces suggestions, elles viennent du diable. Chercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala te préserve contre ces suggestions. Et tu dois t'en écarter, ne pas en tenir compte. Faire comme si celles-ci n'étaient pas présentes. Tu ne dois pas leur donner de l'importance ni du crédit, mais tu dois continuer à mettre en pratique ce qui t'est ordonné dans ta religion et suivre les indications prophétiques rapportées à ce sujet. Et j'ai donné un cours détaillé à ce sujet que vous pouvez retrouver sur le site nasiha.com dans la série Les provisions utiles à l'adorateur. Le dernier cours et sur le comportement à avoir afin de se prémunir de ces suggestions, notamment ce qui concerne les adorations. On a donc terminé par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala l'explication des courtes sourates du Coran, de sourate al-Zalzala à sourate al-Nas, et peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permettra de nous retrouver pour de nouvelles assises afin de voir ensemble l'explication des autres sourates de la partie Amma. Ce qui était juste provient d'Allah subhanahu wa ta'ala et les erreurs et les manquements ne proviennent que de moi ou du diable,